l'horoscope de l'amour sur Skyrock. Allez, c'est parti, l'horoscope de l'amour de ce lundi 8 août. L'horoscope de l'amour, c'est votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. Alors 0 sur 5 pour les Gémeaux et pour les Béliers, c'est le début de semaine à oublier. Tout ce que vous tenterez aujourd'hui se transformera irrémédiablement en râteau. 1 sur 5 pour les Taureaux et les Cancers. Trop de soucis de compréhension, de dialogue pour espérer briller aujourd'hui. 2 sur 5 pour les Lions et les Balances. Trop de nuages dans le ciel de vos relations, mais ça ne tient qu'à vous qu'à les dissiper. 3 sur 5 pour les Sagittaires et les Verseaux. Alors tout n'est pas perdu, bien au contraire, certaines de vos tentatives pourraient bien trouver une issue inespérée. 4 sur 5 pour les Vierges et les Scorpions. Bien longtemps que votre pouvoir amoureux n'a pas été aussi puissant, il serait bien dommage de ne pas en profiter. 5 sur 5 pour les Capricornes et les Poissons. La déesse de l'amour vous a touché du doigt aujourd'hui, un vrai rouleau compresseur. Rien ne semble vous arrêter. Voilà pour l'horoscope de l'amour. T'es quoi comme signe, toi, Maxime? Attends, excuse-moi ton micro. Et moi, je suis 4 sur 5 là. Scorpion, 4 sur 5, ouais. Scorpion, bravo. Ouais, content quoi. Bonne semaine, bien chaude qui se démarre là. Exactement, il faut bien en profiter. Hein. Ça serait dommage de pas en profiter parce que ça fait bien longtemps que t'as pas eu un pouvoir de séduction aussi puissant, Maxime. Eh bah écoute, je suivrai les conseils de l'astrologue aujourd'hui. Exactement, toujours. On se met designer Panda, on se retrouve juste après. Bah ça marche, ouais. Parce que c'était prévu qu'on l'écoute, donc comme ça on a terminé le.